Superfail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Superfail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Superfail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Superfail. C'est probablement l'un des plus beaux échecs de l'histoire des interdictions, l'un des plus beaux effets pervers disponibles dans le passé, ou bien encore la preuve que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Cet épisode s'est déroulé aux États-Unis et il a un nom, la prohibition, comment l'interdiction de l'alcool de 1920 à 1933 a permis à la mafia de prospérer à la pègre, de mettre sous coupe réglée de nombreuses villes, en réduisant marginalement la consommation d'alcool. C'est cet immense ratage qu'on va vous raconter aujourd'hui en compagnie de l'historien spécialiste des États-Unis, Romain Huret. Sans la prohibition, Al Capone serait resté un illustre inconnu, un petit délinquant parmi d'autres. Il lui doit toute sa carrière. La prohibition était censée purifier le pays et sauver la jeunesse américaine empoisonnée par le démon de l'alcool. On peut la considérer comme une tentative de légaliser la morale. En théorie, la vente d'alcool était une activité illégale. Mais aux yeux de la population, ça n'avait rien d'un délit grave. Les gens buvaient énormément. Ils violaient ouvertement cette loi dont ils se moquaient et qu'ils trouvaient ridicule. Fréquenter les bars clandestins devient un sport national. Et pour comprendre comment on en est arrivé là, Romain Huret, spécialiste des États-Unis, directeur d'études à l'EHESS, nous explique d'où est venue cette idée étrange consistant à vouloir interdire la consommation d'alcool en interdisant l'alcool. La décision a des racines anciennes, hein. Elle est prise au mois de janvier 1920, mais elle remonte à un mouvement plus large qui démarre au milieu du 19e siècle, un mouvement de tempérance qui est conduit par notamment des femmes de la classe moyenne blanche, hein, aux États-Unis, et qui ont le sentiment que l'alcool, hein, est un poison, l'alcool détruit les familles, abîme les familles, et qu'il est temps, hein, de prendre des mesures radicales pour mettre un terme à cette déliquescence, hein, du pays, hein, à cause de ce fléau qu'est l'alcool. À cela s'ajoute, au début du XXe siècle, une crainte très forte sur l'immigration en provenance d'Europe du Sud et d'Europe de l'Est, qui fait craindre que ces immigrants, hein, cèdent trop facilement au plaisir de l'alcool et perdent de vue les valeurs qui ont fondé la République, les valeurs de travail, de discipline, de rigueur morale, hein, qui ont permis à la République américaine de devenir ce qu'elle est en train de devenir, une des plus grandes puissances du monde. Et donc, dans ces communautés blanches protestantes, on a très peur, hein, pour l'avenir de la République. Et on va finir par croire qu'en interdisant la vente d'alcool, hein, on va sauver la République, on va sauver sa rigueur morale, on va sauver son dynamisme, son éthique du travail, et empêcher qu'elle ne parte à la dérive, hein, dans des zones brumeuses et alcoolisées, et que cela entraîne sa disparition à jamais. Mais au fait, y avait-il vraiment un problème d'alcoolisme aux États-Unis ? L'alcoolisme est important, il a toujours été aux États-Unis, hein, et on a tous en tête cette figure très mythique, hein, du moonshiner, hein, celui qui produit de l'alcool de manière illégale pour ne pas payer l'impôt indirect, hein, prélevé à la fin du 19e siècle par le gouvernement fédéral, et qui va devenir une figure iconique, hein, de la culture populaire, puis du cinéma, puis des séries télé. Et ce moonshiner incarne, hein, cette habitude, hein, qu'ont tous les milieux sociaux, hein, de boire régulièrement de l'alcool. Et pour certains, disent les femmes, hein, qui militent pour une tempérance, de dépenser leur paye, hein, à la fin de la semaine, en buvant beaucoup trop d'alcool et en ne gardant pas cet argent, hein, pour la famille, hein, et les besoins de la famille. Romain Huret nous explique comment cette réticence morale s'est transformée en interdiction légale pour tous les ressortissants américains dès la fin de la Première Guerre mondiale. Alors d'abord, ça va commencer comme souvent aux États-Unis à ce moment-là, dans les États, et des premières lois sont prises pour limiter la vente d'alcool. Puis, après la Première Guerre mondiale, un mouvement très important, massif, hein, se met en place pour interdire sur l'ensemble du territoire la vente d'alcool. Et à l'automne 1919, le Congrès vote une loi qui va interdire la vente d'alcool sur l'ensemble du territoire américain. Et cette loi prendra effet au mois de janvier 1920 et va durer 13 ans jusqu'à ce que le président Franklin Delano Roosevelt finisse par abolir la loi et permette à tous les Américains de consommer à nouveau de l'alcool. Mais alors quels sont les effets concrets de cette mesure? Que devient le marché de l'alcool aux États-Unis? Il s'effondre avec des conséquences souvent dramatiques pour certains. Une seule exception va être tolérée, c'est la prescription d'alcool par les médecins qu'il utilisait alors pour des raisons thérapeutiques dans le cas de certaines maladies. Mais en dehors de cela, la vente d'alcool est interdite et on va voir apparaître tout un circuit illégal de vente d'alcool dans le pays. Et c'est grâce à la prohibition que le commerce de l'alcool devient une activité incroyablement lucrative. Oui, elle devient lucrative pour ce qu'on n'appelle pas encore la criminalité organisée. Et le terme va être une des conséquences de cette production massive d'un alcool illégal. Les criminels qui sont souvent issus des milieux ethniques qui viennent d'arriver sur le sol américain, italiens, juifs d'Europe de l'Est, irlandais, qui vont voir se développer un secteur extrêmement florissant, la consommation et la vente d'alcool de manière illégale. Et dans certaines villes, Atlantic City, New York, Chicago, ils vont créer des empires tout à fait importants grâce à cette nouvelle activité lucrative. La série Boardwalk Empire, produite par Martin Scorsese, revient sur l'ascension et la chute d'un trafiquant d'alcool. En voici un extrait. Comme je te le disais, il me faut 500 caisses de rhum par mois. Inutile d'aller plus loin. Je ne te vendrai plus d'alcool dorénavant. Les choses ont changé. En quel honneur? C'est pas vraiment tes affaires. C'est exactement le genre d'attitude autoritaire. J'ai des amis dans la politique qui sont très haut placés. Pour leur être agréable et pour ma tranquillité d'esprit, je préfère simplifier les choses. Moi j'ai le pognon, toi t'as la bibine. Ça peut pas être plus simple que ça. Le plus simple, c'est de n'avoir plus qu'un acheteur. À partir de maintenant, je ne livrerai plus de marchandises partant d'Atlantic City qu'à M. Rothstein. Si tu veux, traite avec lui directement. Et ça, à 50% plus cher. Tu pourras toujours passer par Brooklyn. Bill Lowe, la patte folle, l'honneur. Ces Irlandais vendront jamais un Italien. Désolé, messieurs. Nouvel an, nouvelle règle. Or, devant l'ampleur de ces réseaux, la police américaine est très largement impuissante. Le gouvernement va essayer de lutter contre la prohibition. Et la difficulté du gouvernement, c'est bien évidemment l'immensité de la tâche qui l'attend. Il faut fermer dans chaque ville des États-Unis ces fameux speakeasies, ces lieux de consommation. Il faut s'attaquer aussi à la production illégale d'alcool. Et c'est extrêmement compliqué parce que le gouvernement fédéral n'a pas le nombre d'agents nécessaires pour faire face à cette économie extrêmement lucrative et ces réseaux souterrains, masqués, et qui se déplacent très vite et beaucoup plus vite que le gouvernement fédéral. Alors à l'époque, quelques voix s'élèvent contre la prohibition. On invoque notamment les immenses problèmes de corruption engendrés par cette mesure. Il y a un débat qu'on voit apparaître et qui est mené par des intellectuels américains dans les années 20 qui met l'accent sur la discrimination sociale de la prohibition en rappelant que les ouvriers payent le tribut le plus cher à cette prohibition. C'était sans doute d'ailleurs une des motivations de ces femmes de la classe moyenne qui ont voulu interdire la consommation d'alcool. Mais beaucoup s'interrogent sur la dureté, la brutalité de la mesure et ses conséquences pour le monde ouvrier, sachant ce que peut représenter la consommation d'alcool après de dures journées de travail. Et on s'interroge aussi sur l'action du gouvernement, les méthodes parfois violentes du gouvernement et les conséquences morale, d'une certaine manière, imprévue par ces femmes militantes qui ont voulu moraliser la vie publique aux États-Unis. Et on s'aperçoit, et c'est sans doute la ruse de l'histoire, qu'en voulant interdire la consommation d'alcool, on échoue à le faire et on va développer une criminalité organisée qui se distille dans l'ensemble du corps social et politique. Et on assiste à la naissance de villes comme Atlantic City, qui sont notoirement corrompues. Les caractéristiques de ces villes sont sont une corruption généralisée, hein, et l'argent illégal qui échappe au gouvernement fédéral, qui échappe à l'imposition, qui échappe à tout le monde, va créer une très importante corruption des élus, des agents fédéraux et de l'ensemble des habitants de la ville, hein, qui travaillent pour ce secteur illégal et qui ferment les yeux sur ce qui est en train de se passer dans la ville. Donc on a Atlantic City, mais on a aussi Kansas City, on voit la même chose à Chicago, à New York. La production d'un argent illégal et de revenus illégaux crée une immense corruption qui ne donne pas du tout naissance à ce monde vertueux et moral qu'espéraient les femmes de la classe moyenne blanche. Il faudra 13 années de suite pour que l'on se rende compte que la prohibition était la cause d'une autre maladie, la corruption sur l'ensemble du territoire. Bref, pour que les autorités américaines acceptent de reconnaître que cette idée n'était pas une bonne idée. Pour comprendre la fin de la prohibition, les historiens ont mis l'accent sur deux raisons très différentes. La première raison, c'est un grand pragmatisme de la part de l'équipe de Franklin Delano Roosevelt, qui voit très bien que ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, et qui déplore surtout une perte de revenus pour le gouvernement fédéral. Parce qu'il ne faut pas oublier que la prohibition a une conséquence qui n'a pas beaucoup été anticipée au départ, hein, en 1919-1920, c'est la perte d'imposition de l'alcool, qui était une source de revenus très importante pour le gouvernement fédéral, par le biais des impôts indirects, hein, et cet argent disparaît des caisses de l'État. Et après la crise de 29, lorsqu'on a besoin d'argent pour créer et financer des programmes sociaux, l'administration Roosevelt va dire un moyen d'obtenir de l'argent, hein, c'est de légaliser la vente d'alcool à nouveau et de récupérer, hein, les impôts indirects qui étaient prélevés auprès des grands groupes, hein, qui vendaient de la bière dans tout le territoire ou des alcools plus forts. La deuxième raison, elle est liée à un changement, hein, moral dans le pays, hein, puisque cette vieille garde, qu'on qualifie alors d'anglo-saxonne, hein, protestante, blanche, perd un peu du terrain et est profondément déqualifiée, hein, par la crise de 1929. On voit bien que son projet de société a échoué avec le projet économique. Et donc on voit apparaître des forces politiques nouvelles, hein, notamment ces immigrants, ouvriers pour la plupart, hein, dans les villes américaines. Et ces ouvriers, hein, sont très très favorables à la fin de la prohibition. Et ils seront séduits, hein, par la promesse de Roosevelt, hein, d'y mettre un terme. Et donc pour comprendre la fin, il y a à la fois des arguments pragmatiques, financiers, mais également des arguments politiques, hein, qui expliqueront pourquoi en 1933 la prohibition s'achève aux États-Unis. Cet épisode de la prohibition marqué par un échec ne pourrait-il pas nous faire réfléchir à d'autres interdictions, comme celle par exemple qui frappe aujourd'hui le cannabis en France? On voit qu'il y a des similitudes, hein. Il y a des points assez intéressants, et notamment la création d'une économie illégal, hein, qui est totalement hors de portée de l'administration. Et on a vu dans le débat sur le cannabis en France, la question de l'imposition, hein, revenir souvent. Hein. C'est une économie souterraine qui échappe à toute imposition. Il y a également des enjeux moraux qui sont identiques, hein, qui sont les mêmes, hein, dans les années 20 et aujourd'hui. On a également un argument sur la difficulté à lutter contre le trafic. Hein, les difficultés des agents fédéraux dans les années 20 sont les mêmes que la police française aujourd'hui. Ils ferment souvent les yeux sur les trafics en raison même de l'importance de la consommation dans la vie quotidienne du pays. Donc oui, il y a de fortes similitudes entre les deux moments. Bien sûr, cette histoire de la prohibition, nous vous l'avons racontée aujourd'hui avec une arrière-pensée. Superfell n'est pas toujours dépourvu d'arrière-pensée. Cette prohibition fait peut-être, je dis bien peut-être, écho à une autre que nous vivons en ce moment même en France, la prohibition du cannabis. Les mêmes causes produisent-elles les mêmes effets? Je vous laisse répondre à cette question. Superfell a été piétiné à la réalisation par Vivien Demeyer et Massimo Bellini, gâché à la technique par Emmanuel Morse-Duncan et dévasté à la production par Juliette Deveau. Superfell.